3. Conjugaison des verbes en CER, GER. Voyager. Je voyage beaucoup. Tu voyages seul? Il voyage souvent. Elle voyage souvent. On voyage souvent. Nous voyageons en groupe. Vous voyagez un peu. Ils voyagent ensemble. Elles voyagent ensemble. Commencez. Je commence demain. Tu commences tôt. Il commence à 7 heures. Elle commence à 7 heures. On commence à 7 heures. Nous commençons jeudi. Vous commencez bientôt. Il commence ce soir. Elle commence ce soir.